10th of June, 2009. Our 3 weeks retreat at Damaransi in Belgium successfully finished today. So our yogis practice during the 3 weeks diligently. Now the retreat finished. You can reflect yourself what you have received. What you have received. No material things in your bag, but spiritually you have received a lot. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2009. La retraite de 3 semaines à Damaransi en Belgique se termine avec succès. Les yogis ont pratiqué pendant 3 semaines de façon assidue. La retraite est maintenant terminée et ils peuvent penser à tout ce qu'ils ont reçu au cours de cette retraite. Ils ont reçu beaucoup, mais ce qu'ils ont reçu, ce n'est pas des biens matériels, c'est une richesse spirituelle. Pendant ces 3 semaines, vous avez donc pratiqué de façon assidue, mais vous n'avez pas pratiqué que Vipassana. Vous avez également pratiqué Sila, la moralité, puisque chaque jour vous avez pris 9 préceptes. La moralité, c'est le fondement pour la sagesse. Vous avez également pratiqué le contrôle des sens. Vous avez gardé les portes sensorielles de façon à ce que les empêchements ne pénètre pas dans votre esprit. Pendant la retraite, vous avez également veillé à vous nourrir de façon correcte, c'est-à-dire que vous avez fait attention à ne prendre ni trop ni trop peu de nourriture. Vous étiez très attentif au moment où vous preniez votre repas. Vous avez également essayé de maintenir votre esprit toujours alerte. Vous avez également essayé d'avoir le corps en bonne forme. Vous vous êtes levé tous les jours à 4 heures du matin et vous avez ensuite pratiqué la méditation de façon assidue, en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Vous vous êtes ainsi efforcé de rendre votre esprit très alerte. Vous avez également développé la confiance. À cause de votre pratique, la confiance en vous s'est renforcée et vous avez également développé la confiance dans le Bouddha, dans le Dhamma et dans la Sangha. Lorsqu'il n'y a pas d'impureté dans l'esprit, lorsqu'il n'y a pas de kilesa dans l'esprit, il devient pur et clair. Si l'esprit est pur et clair, la joie va se manifester. Cette joie va elle-même amener la confiance, confiance en vous, confiance dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Vous commencez à apprécier la méditation. Vous commencez à apprécier la pratique des 4 établissements de l'attention et vous appréciez également le fait de maintenir vos préceptes purs. Tout ceci va avoir pour résultat que votre esprit va devenir très noble, civilisé. Un esprit noble et civilisé est capable d'avoir la honte et la crainte de mal agir. Moral shame and moral fear here in Ottapa. Vous avez donc la honte et la crainte morale, Iri et Ottapa. Par votre pratique, vous avez également réussi à développer la compréhension. Vous avez compris les éléments à l'intérieur de vous. Vous avez compris les khandhas. Vous avez compris les bases sensorielles internes et les bases sensorielles externes. Vous avez compris l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, le corps, l'esprit et les objets qui leur correspondent. Vous avez donc ainsi acquis une certaine connaissance du Dhamma, une connaissance à la fois pratique et théorique, puisque au cours de cette retraite, vous avez entendu des enseignements. Vous comprenez donc, dans une certaine mesure, l'enseignement du Bouddha. Vous avez donc reçu, expérimenté une certaine connaissance du Dhamma. Si vous n'aviez pas fait preuve de viriya, d'énergie, cela n'aurait pas été possible. Mais au cours de cette retraite, vous avez fait de votre mieux pour faire preuve d'une énergie physique et mentale. Vous avez ainsi développé votre esprit. Cet esprit s'est fixé sur l'objet. L'esprit qui reste fixé sur l'objet est un esprit qui est en samadhi. On parle de vipassana jhana. Vipassana samadhi jhana. Vous avez donc expérimenté les jhanas également au cours de cette retraite. Tous les matins, nous récitons les qualités du Bouddha. Parmi ces qualités, il y a Vichacharana Sampanno, ce qui veut dire que le Bouddha détient la connaissance et la conduite parfaite. C'est ce dont il vient d'être question. Mais le Bouddha a développé ces choses à la perfection, nous entraînons. Vous devez donc réfléchir à tout cela. Lorsqu'on dit qu'il faut réfléchir, cela veut dire qu'il faut se souvenir, se remettre en mémoire tout ce que nous avons fait au cours de cette retraite. Nous avons pratiqué Sila, Samadhi et Panya. Lorsque notre pratique sera suffisamment développée, il deviendra possible pour nous d'expérimenter les connaissances Vipassana, l'enseignement du Bouddha. Si ce n'est pas encore le cas, il faut continuer à s'entraîner. Le Bouddha nous dit dans un sutta, il faut écouter des enseignements sur le Dhamma de temps à autre. Si nous écoutons de temps à autre des enseignements sur le Dhamma, nous comprendrons bien les instructions. Nous saurons comment faire pour pratiquer correctement l'enseignement du Bouddha, Dana, Sila et Bhavana. Parfois, il faudra également parler de nos expériences, parler de ce que nous avons compris du Dhamma. Le Bouddha nous encourage à réfléchir à nos expériences. Nous ne devons pas les oublier. Si nous réfléchissons à nos expériences, si nous réfléchissons à ce que nous avons compris du Dhamma, nous pourrons éventuellement nous corriger si nécessaire, et s'il n'est pas nécessaire d'amener des corrections, nous pourrons poursuivre notre pratique. De temps en temps, il faudra également pratiquer les quatre établissements pour l'attention, les quatre satipatthana. Si nous avons ces quatre qualités, autrement dit, si nous écoutons de temps à autre des enseignements sur le Dhamma, si nous discutons à propos de nos expériences, si nous réfléchissons et si nous pratiquons la méditation vipassana de temps à autre, tôt ou tard, nous réussirons à nous débarrasser des kilesas et à atteindre l'illumination. Pratiquer vipassana, c'est essayer de se comprendre soi-même. Dans un langage plus moderne, on pourrait dire que c'est une investigation de son propre corps et de son propre esprit. Le Bouddha nous dit que le samsara, c'est le cycle des renaissances. Mais même le Bouddha n'est pas capable d'en voir ni le début ni la fin. C'est donc un chemin très long à parcourir. Si nous voulons nous libérer, le chemin sera très long. Mais avec Vipassana, il est possible de se libérer du cycle des renaissances. Si nous ne pratiquons pas Vipassana, si nous ne faisons donc pas cette recherche à propos de nous-mêmes par les quatre établissements de l'attention, nos esprits resteront illusionnés. Un esprit illusionné ne fait pas la différence entre le bien et le mal, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. L'esprit des êtres ordinaires, des putujana, sont illusionnés. Un esprit illusionné, ignorant, c'est pire que la pauvreté. Si en effet nous sommes pauvres, mais que nous avons le contentement, autrement dit que nous savons nous contenter de ce qui nous est offert, nous ne souffrirons pas tellement. Par contre, si nous sommes ignorants, mais que nous ne sommes pas capables de contentement, si nous ne sommes pas capables de faire la différence entre le bien et le mal, nous souffrirons. Si nous ne sommes pas capables de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, nous serons forcément amenés à mal nous conduire. Nous tuerons, nous volerons. Tout cela, ce sont des akusala, des actions négatives. Et nous les faisons tout simplement parce que nous sommes incapables de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Si nous faisons des actions négatives, nous ne pourrons pas reprendre naissance dans les sugatis, les plans supérieurs. Nous ne reprendrons pas naissance ni dans le plan humain, ni dans le plan des devas. Nous reprendrons naissance dans les plans inférieurs qui sont pleins de souffrance. Et une fois que nous serons dans ces plans inférieurs, il deviendra très difficile de s'en extraire. En conclusion, je voudrais rappeler aux yogis et à moi-même également les recommandations que le Bouddha a données juste avant de passer en parinibbana. Le Bouddha nous a demandé de ne faire confiance qu'à nous-mêmes, de ne faire confiance qu'au Dhamma, autrement dit, de ne faire confiance qu'aux quatre établissements de l'attention. Nous devons pratiquer les quatre établissements de l'attention dans le but de nous comprendre nous-mêmes et de nous libérer du samsara. Sadhu, sadhu, sadhu. The transfer of merit. All kinds of merits, what our yogis have done, dana, giving food, sila, practice meditation and morality, taking precepts, then practice meditation, listening Dhamma talk, and respecting to each other, all kinds of merits, not only Vipassana merit. So please keep in your mind why you have done all kinds of meritorious deeds. You have to transfer with other beings. Nous allons maintenant faire partager à tous les êtres les mérites que nous avons accumulés par notre effort. Essayez de vous remettre en mémoire tous ces mérites dû à la pratique de dana, l'offrande de la nourriture, à la pratique de sila, les préceptes moraux, à la pratique de la méditation, dû au fait d'avoir écouté les enseignements sur le dhamma, de vous être montré aimable avec tout le monde. Donc il ne s'agit pas uniquement des mérites dus à la pratique de vipassana. Essayez de vous remettre tout cela en mémoire pour pouvoir les transférer aux autres êtres. Meyam bande, meyam bande, sansara, sansara, buddha, buddha, dukkato, dukkato, mojanathaya, mojanathaya, nibbanasa, nibbanasa, sacchigranathaya, sacchigranathaya, imani, imani, nana, nana, Punya, punya, kusalani, kusalani, sagajam, sagajam, dema, dema, ujema, ujema, idame punya, idame punya, asawa kayawaha, asawa kayawaha, hotu, hotu, idame punya, idame punya, nibbanasa, nibbanasa, pachayo, pachayo, hotu. Imano, Punya Bhaga, Punya Bhaga, Madhapidunancha, Madhapidunancha, Acharyanancha, Acharyanancha, Sabhamidanancha, Sabhamidanancha, Sabhanyadinancha, Sabhanyadinancha, Sabhavedanancha, Sabhavedanancha, Sabhadevadanancha, Sabhadevadanancha, Dema, Dema, Pajema, Pajema, Sabhe Sada, Sabhe Sada, Sukhita, Sukhita, Hontu, Hontu,